chez Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini. On vous offre le F-150 neuf à 0% jusqu'à 72 mois sur les modèles sélectionnés. De plus, obtenez plus de 5 000 $ en valeur totale, incluant 2 500 $ en allocation et livraison. Les membres Costco admissibles reçoivent aussi un rabais de 1 000 $. Jean Dumas Ford, 1711 boulevard Vézina à Dolbeau-Mistassini, 418-276-1316. Là où l'expérience est inégalée, toute notre équipe vous invite à visiter notre page Facebook pour les différentes promotions. Jean Dumas Multi-concessionnaire. Notre ami Tony Guzzo se trouvait en Arizona cette semaine, Tony Guzzo de NFLBlitz.com, mais j'ai frappé en relève et j'ai bien frappé parce que vous l'entendez au FM 93 pas mal à tous les jours à l'émission, l'émission L'Avant-Match avec Dan Pouce et Willy Boivin qui va nous faire un peu la chronique de la NFL cette semaine. Salut Willy! Hey, salut Danny! Ça va bien Will? Ben oui, ça va toujours bien. Écoute, c'est une grosse période sportive en plus ces temps-ci. On a du baseball, le début du hockey, le football. Mais non, on est content ces temps-ci. Et le basket aussi. Faut pas oublier le basket. LeBron, qui est premier match de LeBron hier, 26 points, défaite des Lakers. Donc, ça aussi, ça ajoute aux intérêts. On sait plus où aller avec le zapping. Hey Will, on va commencer avec beaucoup de... C'est quand même assez rare, pareil, que deux coordonnateurs en pleine saison perdent leur emploi. Oui, quand même, c'est plutôt rare. Tu fais bien de le mentionner, surtout la même semaine. Ouais. C'est assez rare dans le monde du football et dans la NFL qu'on voit des entraîneurs-chefs congédiés durant la saison. C'est davantage des coordonnateurs, soit offensifs ou défensifs. Et même si ça arrive qu'un entraîneur-chef perde son emploi, ben c'est un des deux coordonnateurs qui va le remplacer. Ouais. On voit pas ça comme au hockey, un entraîneur arriver en milieu de saison, puis arriver à amener un nouveau système de jeu. Ça se fait pas dans le monde du football. Ça se fait peut-être au hockey, au baseball, même si le baseball quand même est un sport stratégique. Mais au football, ça se fait pas. Donc c'est quand même, oui, cocasse de voir deux coordonnateurs défensifs, deux coordonnateurs plutôt congédiés cette semaine, puisque c'est Mike Smith, le coordonnateur défensif des Buccaneers, qui a été limogé plus tôt cette semaine. Ouais. Et là, ce matin, on apprend que Mike McCoy, qui est le coordonnateur offensif des Cards de l'Arizona, lui aussi se retrouve sur le chômage. Par contre, Danny, c'est deux gars qui méritaient de perdre leur emploi. On ne peut pas accepter une telle performance défensive comme celle des Buccaneers la semaine dernière. C'était désastreux. Et depuis le début de l'année, c'est ce qui nous fait mal du côté des Bucs, puisque on a connu un bon début de saison. On était 2-0 après deux matchs. Ryan Fitzpatrick jouait probablement le meilleur football de sa vie. Jameis Winston arrivait dans les prochaines semaines. Donc, c'est quand même, on était bien installé, on était bien positionné du côté des Bucs, mais la défensive flanché. Je me rappelle un Monday night contre les Steelers de Pittsburgh, je crois, la semaine 3. La défensive a été désastreuse. Mike Smith, qui est un ancien entraîneur-chef, à un moment donné, on ne peut pas accepter là, de telles performances de son unité. Alors, il a été congédié. Et hier soir, Danny, l'offensive des Cardinals de l'Arizona, c'était désastreux. Puis je comprends qu'il n'y a pas beaucoup d'armes entre ses mains. Il n'y a pas les chevaux là pour compétitionner face aux Saints, ou face aux Pats, ou face aux Chiefs. Mais quand même, je pense que Josh Rosen, qui est le jeune carrière qu'on a repêché en Arizona, s'en allait dans la mauvaise direction avec Mike McCoy. Donc, on préfère le congédier, amener une nouvelle mentalité offensive avec notre jeune carrière. Mais c'est plutôt rare de voir deux entraîneurs congédiés la même semaine. Mais comme je l'ai dit au tout début, c'est deux gars qui méritaient de perdre leur emploi. Donc, effectivement, donc, chez les Cards, on espère évidemment, parce qu'il n'est pas trop tôt pour faire les séries. Je crois que ça va être très difficile pour les deux formations. Mais certainement qu'on voulait certainement avoir un électrochoc. Grosse nouvelle également dans le monde de la NFL cette semaine. Tom Allen, qui est dans le milieu des affaires, qui est le président de Microsoft, l'un des fondateurs avec Bill Gates de Microsoft, et également est propriétaire des Seahawks de Seattle dans la NFL, propriétaire des Trailblazers de Portland dans la NBA, est décédé cette semaine à seulement 65 ans. Et moi, j'écoutais un petit peu cette semaine, on disait que Tom Allen, c'est un des bons propriétaires dans la NFL. Ah, c'est un gars immensément respecté au travers de la Ligue, puis Tu l'as dit, non seulement il y a un parcours assez exceptionnel du côté des affaires, là. Il a lancé une des plus grosses compagnies mondiales avec son ami Bill Gates. Il est multimilliardaire Paul Allen avant qu'il décède malheureusement cette semaine. Mais il a vraiment été important pour les Seahawks à Seattle. Puisqu'au début des fins des années 90, là, les Seahawks n'allaient pas très bien. Puis on pensait même déménager la concession. Le sport au complet n'allait pas très bien à Seattle. C'est pas comme le sport qui est en effervescence présentement. Dans cette ville-là, où on va accueillir probablement une équipe de hockey, une équipe de la NBA très bientôt, mais c'était pas le cas à la fin des années 90, et Paul Allen est arrivé au bon moment. Il a toujours eu des parts dans cette concession-là. Il est devenu propriétaire majoritaire des Seahawks à la fin des années 90, et il a sauvé un peu la concession. Il a investi beaucoup d'argent, et également, il est allé chercher des bons hommes de football. Là, on se rappelle de l'époque où quand Matt Hasselbeck est arrivé avec Sean Alexander, ils ont atteint le Super Bowl en 2006. Mais c'est surtout, Danny, au début des années 2010, Paul Allen a été un gars, il a été très important dans l'embauche de Pete Carroll, qui est actuellement l'entraîneur des Seahawks de Seattle. Pete Carroll, en 2010, est un gars très, très, très réputé et très respecté, mais également beaucoup courtisé pour les équipes de la NFL, puisqu'il venait de connaître beaucoup de succès avec l'université USC. Pendant une dizaine d'années, il a développé des joueurs tels que Clay Matthews, Reggie Bush, et il a connu beaucoup de succès. On savait qu'il allait revenir dans la NFL, et Paul Allen s'est un peu faufilé au travers des offres qu'il avait pour lui déposer une offre très alléchante. Également, il l'a rencontré à plusieurs reprises pour lui faire comprendre qu'il voulait mettre sa concession des Seahawks de Seattle entre les mains de cet homme-là, Pete Carroll, et finalement, on connaît le succès qui s'ensuit quand même. Les Seahawks ont remporté le Super Bowl en 2014, l'ont perdu en 2015 sur le tout dernier jeu. Ouais. Là, c'est un peu plus difficile pour les Seahawks puisqu'on a perdu notre noyau principalement défensif, mais vraiment Paul Allen a été très important pour les Seahawks, et on peut même mentionner les Trailblazers de Portland, Danny, dans la NBA. Il est également propriétaire de cette formation-là. Les Trailblazers, c'est la formation qui ont battu LeBron James, comme tu l'as dit tantôt, à son premier match avec les Lakers. Donc, c'est une bonne organisation de basket également qui tente de retourner en série. Là, ils ont des bonnes chances cette année, mais Paul Allen, c'est un grand du monde du sport américain qui nous a quittés. Oui, effectivement. Et on peut ajouter également qu'il est actionnaire également des Sanders de Seattle. Même, je pense qu'il est même propriétaire des Sanders, si je ne m'abuse. En tout cas, ça reste à vérifier, mais il est sûrement dans l'organisation des Sanders de la MLS. Hey, Will, pendant que je t'ai, je veux te parler de John Gruden. Moi, j'en étais un de ceux qui était content de voir John Gruden retourner à Oakland. Mais quelle déception! Il est arrivé à fanfare à Oakland. On sait que les Raiders vont déménager. C'est peut-être même l'an prochain que les Raiders s'en vont à Las Vegas. Et c'était pas, moi je pense que c'était pas étranger le fait que Gruden s'en allait à Vegas, retourner à Oakland. C'est qu'on voulait, on s'en allait d'un nouveau marché. On voulait avoir une attitude gagnante. Mais cette concession-là va nulle part. Écoute, on fait du reculon. Reggie McKenzie, qui était le directeur général des Raiders, actuellement, apparemment, il est quasiment sur la tablette. Chucky va probablement déchanter, puis sa valeur va probablement baisser, hein? C'est clair que sa valeur va baisser, ça c'est sûr et certain, mais comment tu peux tenter ou vouloir congédier ce gars-là qui a un contrat béton pour encore 9 ans et 90 quelques millions à lui verser? Ça n'a aucun bon sens. Probablement le pire contrat octroyé à un entraîneur dans l'histoire de la NFL. John Gruden est une excellente tête de football, et moi, je l'appréciais beaucoup comme analyste des matchs du Monday Night Football. Et sa cote a monté, là, mais de façon fulgurante, Danny, parce qu'il était excellent à l'analyse des Monday Night Football. Ouais. Mais c'est pas parce que tu es un bon analyste et que tu vends bien le jeu du football que ça fait de toi un excellent entraîneur-chef. Je trouve que la réputation de John Gruden a été un peu gonflée. Oui, il a connu des succès jadis avec les Raiders. Il a gagné le Super Bowl avec les Buccaneers de Tampa Bay en 2002, là, si ma mémoire ne fait pas défaut. Il a formé plusieurs entraîneurs-chefs qui ont des jobs actuellement dans la NFL. Son frère, Jay Gruden, qui est entraîneur des Redskins. Mike Tomlin, qui est l'entraîneur des Steelers. Il y a plusieurs gars qui ont passé sous John Gruden, qui sont actuellement entraîneurs de la NFL. C'est un bon développeur de talent, mais moi, je pense qu'on a gonflé sa réputation puisqu'il était excellent au Monday Night Football à l'analyse des matchs. Là, bon, il est arrivé avec les Raiders. On avait quand même une bonne équipe sur on venait de connaître une saison décevante. Mais là, lui, il est arrivé, puis il a volé le show, John Gruden, comme ouais. il sait bien le faire. Il est arrivé avec sa mentalité, il a amené sa culture à lui, qui est quand même bon. Je veux dire, quand on nomme un entraîneur-chef, on lui donne autant d'argent, ben, tu veux qu'il amène sa culture et tu veux qu'il prenne possession de ta formation pour l'amener dans un prochain niveau. Mais finalement, ça a été un désastre. Le dossier Khalil Mack lors du camp d'entraînement, Danny, là, a été la première erreur de, finalement, de plusieurs depuis le début de la saison de John Gruden. Ça a cassé là l'esprit d'équipe des Raiders. Et là, on a vraiment vu que c'était John Gruden, le boss des Raiders, et non pas le directeur général Jerry McKenzie, qui lui avait construit cette équipe-là avec plusieurs bons jeunes talents. Et là, actuellement, John Gruden est en conflit, si on veut, avec les bons jeunes joueurs de l'organisation. Derek Carr, moi, je pense que dans la tête de Gruden, hein? Ce n'est pas... Ah, il a plafonné, incroyable. Et d'après moi, dans sa tête à Gruden, Danny, ce n'est pas son carrière d'avenir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec Carr, qui a un gros contrat aussi? Est-ce qu'on va tenter de l'échanger, mais compte pas grand-chose, vu que sa valeur baisse à vue d'œil semaine après semaine? Amari Cooper, également, un bon receveur de passe qui est en déclin depuis 2 ans. On a échangé Khalil Mack, oui, contre 2 choix de première ronde. C'est quand même bien, mais on a échangé un des meilleurs joueurs défensifs dans la NFL et ça fait un immense trou dans la défensive des Raiders actuellement. Alors, écoute, c'est un désastre, John Gruden. J'espère qu'il pourra peut-être échanger ces joueurs-là qui, visiblement, ne veulent plus jouer pour lui, pour peut-être repartir sur de nouvelles bases et construire une nouvelle formation qui arrivera bientôt à Las Vegas. Mais l'expérience Chucky avec les Raiders, c'est désastreux. C'est désastreux, c'est une catastrophe. Et j'en étais un dessus qui était content à l'époque. C'est sûr que Gruden, mais je veux dire comme toi, le fait qu'il était au Monday Night Football, ça l'a aidé beaucoup, il était apprécié. C'était un analyste qui était autant apprécié que John Madden, je dirais. Oui, on peut quasiment faire le parallèle. Et je me répète, Danny, il était excellent. Ouais. Jason Witten, l'ancien ailier rapproché des Cowboys, fait un bon travail actuellement. C'est lui qui a remplacé Gruden comme analyste des matchs du Monday Night. Mais John Gruden nous racontait tellement bien puis nous simplifiait également les jeux de football pour le commun des mortels, celui qui zappe puis qui retombe sur le Monday Night Football un lundi, qui connaît pas trop le football, mais il se le faisait enseigner et l'apprenait avec John Gruden. Et comme je te dis, sa réputation a gonflé à ce moment-là. C'est pas une mauvaise tête de football, mais là, avec les Raiders, on lui a déroulé le tapis rouge, contrat de 10 ans, de centaines de millions. Alors là, c'est clair qu'avec ce contrat-là, il arrivait en étant le boss de l'organisation. Là, il est en train de faire le ménage. Moi, je pense, comme je t'ai dit, que Carr et Amari Cooper devraient quitter. Si c'est pas cette année, ce sera l'an prochain. Mais vraiment, je pense que les fans des Raiders qui étaient contents de l'embauche de John Gruden à la fin de la saison dernière, là, j'ai l'impression qu'ils regrettent un peu plus là, ce temps-ci. OK. On va y aller maintenant avec tes matchs de la semaine. Moi, j'en ai 3. Toi, d'abord, moi, mes matchs, on va y aller rapidement. On va voir si tu as les mêmes que les miens. C'est pas nécessairement pour le spectacle. C'est le Sunday Night Football Cincinnati-Kansas City. Ça devrait être excellent. Très, très bon match. Nouvelle-Orléans, Baltimore, excellent aussi. Les Pats contre les Bears. C'est pas mal les 3 matchs que t'as, toi? C'est pas mal les 3 matchs que j'ai également sur ma feuille puis les matchs à surveiller ce week-end. Je déteste pas également la confrontation à 13h entre les Panthers de la Caroline et les Eagles de Philadelphie. Ouais. Je pense que c'est une bonne confrontation de carrière entre Cam Newton et Carson Wentz. Mais j'ai hâte de voir, par contre, à 13h, le match entre les Pats et les Bears. Bon, les Pats sont en feu depuis quelques semaines et les gens qui croyaient en début de saison que la dynastie des Pats ou qu'ils allaient avoir une dure saison, ben, les Pats, c'est toujours comme ça depuis quelques années. On démarre lentement puis on prend notre heure d'aller après 3, 4, 5 semaines. On a battu une des meilleures formations de la NFL la semaine dernière, les Chiefs de Kansas City, à la maison. Donc, les Pats et Tom Brady semblent repartis. Là, c'est un bon test quand même face aux Bears à la maison. Les Bears avaient connu un bon début de saison, mais là, c'est un peu plus difficile depuis 2 semaines. On a perdu un match qu'on aurait dû gagner la semaine dernière face aux Dolphins à Miami. Il y avait beaucoup de signes intéressants chez les Bears. Non seulement Khalil Mack qui dominait en défensive, le jeune Paul Mitch Trubisky, les porteurs de ballon faisaient le travail également. On a des armes un peu plus impressionnantes en offensive pour notre carrière Trubisky. Mais là, c'est un peu plus difficile depuis quelques semaines. Alors, c'est un important test pour les Bears. S'ils sont là pour vrai cette saison, les Bears, et qu'ils espèrent participer aux séries, ben, on devra gagner ce genre de match-là ce week-end face aux Pats. Moi, je pense que c'est une lourde commande. Peut-être que Mitch Trubisky ne sera pas capable d'accomplir encore à ce stade-ci de sa carrière, Mais j'ai l'impression que ce sera un match serré, mais je m'attends à une victoire des Pats, par contre. Okay. Trubisky, les Bears, écoute, se sont déculottés. Ils étaient très critiqués. Les journaux à Chicago critiquaient beaucoup là, les médias, l'acquisition de Mitch Trubisky, mais finalement, il connaît quand même une saison. Puis il était à sa deuxième année. Il faut lui donner une chance. Oui, il était à ça. Puis il faut être patient avec les jeunes carrières. Trop rapidement, on les lance dans la mêlée. Puis, OK, c'est un boss, puis il sera pas bon, il connaîtra pas une bonne carrière. Ça a été une mauvaise décision de le repêcher à ce rang-là. Faut être patient avec les jeunes carrières. On l'a lancé rapidement dans la mêlée l'année dernière, Mitch Trubisky. Il a connu une saison recrue, un coup-ci, coup-ça, quelques points positifs, mais surtout des points négatifs. Puis c'était normal. Là, il revient en force cette saison. On a payé cher au repêchage il y a 2 ans pour pouvoir sélectionner deuxième et repêcher Trubisky. Puis finalement, comme tu le dis, on a crié fort dans les médias, mais j'ai l'impression que quelques journalistes qui avalent leur crayon présentement parce que Trubisky fait le travail. Et là, on l'a mieux entouré cette saison avec un Allen Robinson, avec un Trey Burton. Tu sais, des jeunes carrières, si tu leur mets pas de receveur de passe, puis si tu leur donnes pas d'armes pour réussir, ben c'est très difficile pour eux de connaître des bons résultats. Là, on l'a entouré, Trubisky, cette année. Il fait le travail, mais par contre, j'ai l'impression qu'il va encore avoir quelques croûtes à manger, là, surtout face à un Tom Brady. Effectivement. Will, on se reparle bientôt, un autre tantôt. Un gros merci. Oui, écoutez, Willy Boivin du FM 93 à Québec.